garderai pas un peu de soleil pour ce jour rétro gris où meurt la vie. Comme mon corps est en nuage, trop d'humidité dans l'air aura noyé son image. Mon cœur, lui, est à l'envers et ma tête tout en pleurs. Trop de gris dans le matin aura bouffé sa pâleur, l'aura lavé dans ses mains. Dis, monsieur, t'aurais pas un peu de soleil pour ce jour trop gris où meurt la vie. Je me lasserai du rêve de mon cœur au matin bleu qui a épuisé sa sève à vouloir me rendre heureux. Je disparaîtrai peut-être au fin fond de mon ennui, n'essayant plus de paraître. J'aurais perdu mes amis. Dis, monsieur, t'aurais pas un peu de soleil pour ce jour trop gris où meurt la vie. Il me faudra du courage pour me jeter dans la mort. Quand il faisait beau, l'image du bonheur me rendait fort. J'attendrais la saison belle si je pouvais la garder. Mais je sais que malgré elle, un jour elle doit me quitter. Dis, monsieur, t'aurais pas un peu de soleil pour ce jour trop gris où meurt la vie. Dis, monsieur, t'aurais pas un peu de soleil pour ce jour trop gris.